tu dis sport, je dis sport. D'accord. D'accord. Quand tu dis sport, je dis sport. D'accord. D'accord. Quand tu dis sport, je dis sport. D'accord. D'accord. Alors vas-y, dis sport. Du sport. Quand tu dis sport, je dis sport. D'accord. D'accord. Alors vas-y, dis sport. Sport. Sport. Sport. Sport. Ça c'est du sport.